tu l'as déjà vu ce film avec cet homme? Ah non, non, non, mais je sais plus comment il après, ça dépend aussi de la mais aussi par le désir du plaisir qu'ils éprouvent à être simplement ensemble. Enfin, on est loin de l'acte sexuel. L'amour, ce n'est pas l'acte sexuel en lui-même. La relation de deux êtres construits au cours de deux histoires différentes. Quelles sont ces histoires différentes? Non, non, non, non, non, je ne regrette rien. Vous allez réagir d'une certaine façon. Enfin, non, non. Je prends le cliché du garçon qui ne prend jamais l'aspirateur. Eh bien, au mariage, cela risque de se fâcher. La relation. Si elle est avant tout riche de leurs différences, implique la nécessité d'un apprentissage commun à la recherche de l'harmonisation avec un H. Et vous soulignez l'expression recherche de l'harmonisation, s'il vous plaît, de leur comportement à la ligne. Intelligence, égalité de cœur sont nécessaires pour maintenir le dialogue et rendre l'union durable. En conclusion, vous allez écrire une citation de Franz Kéry. Aimer, c'est aussi vouloir aimer. À la semaine prochaine. Au revoir. Bon week-end.